Ouais, bien avec ben jeune cadre dynamique là on quoi boudon job est dans une grosse société de la place au Sénégal. Bon les wadjar rek xam nga rek bon voilà quoi, il avait eu 40 ans yoy tu vois, bien respecté dans son entreprise. Ouais, mo amone ben awa nak, awa bi nak analphabète le don intellectuel. Donc ñom ñaar sen discussion c'était pas trop ça, da ñu mëna discuter ay politique, ay économie, wala ay histoire, tout ça. Wadjar dal né man dal fuma jaar tak deuxième femme quoi intellectuelle. Ouais, quelques mois après rek suñu jeune cadre bi tak ben intello quoi xam nga rek bari cheap cheap bari ay cheche affaire yoyu quoi xam nga rek ay ñom chérie je t'aime chérie mon amour mon cœur tout ça xam nga ay genre chérie souris moi ouais wa dire di retane di bek aw bi nak lolu da ko don metti mais grave quoi aw bi wo dom ji quoi ne ko jibi kay mu ne wa jibi yow lan moy souris mu ne ko maman yow tamit maman mais souris moy jinax mu nek ah d'accord way ben sade day nak ay midi yoyu xam wa kër gi togg ben ceebu yàpp bu chon way ñëpp nek fek quoi xalé yi ñaari jabari tout ça xam way discussion bi commencé quoi togg ba siaga rek aw bi ne jëkkeer ji wa siri jinax ma ci bok